Voici votre bulletin régional. Le 8 juin, 19h30, au sous-sol de l'église Saint-Louis de France de Hastings, activité Femmes d'ici de la FEAS, suivie de l'Assemblée générale. Bienvenue à toutes les femmes désireuses d'en savoir plus sur la FEAS. Information 819-832-2656. Du 8 juin au 24 août, les lundis à 9h30, au parc des Deux-Rivières de Hastings, cours Maman Poussette HSF. Il s'agit d'une heure d'entraînement avec bébé et poussette. $80 pour 10 semaines. Inscription et information à 819-640-3734 ou au www.enformedelamaison.com. C'est le 9 juin à 17h30 que se déroule le souper de fin volard et jambon à la salle des chevaliers de colons de Hastings.